Dimanche, c'est l'automne, l'automne, l'automne. Le grand vent et toute sa séquelle de représailles et de musique. Rideaux tirés, clôture annuelle, chute des feuilles, des antigones, des philomèles. Mon fossoyeur, alas pour Yorick, les remue à l'appel. Vive l'amour et les feux de paille. Les jeunes filles inviolables et frêles descendent vers la petite chapelle dont les chimériques cloches du joli, joli dimanche hygiéniquement et élégamment les appellent. Comme tout se fait propre autour d'elles, comme toute année dimanche, comme on se fait dur et boudeur à leur approche. Ah, moi, je demeure l'ours blanc. Je suis venu par ces banquises plus pures que les communiantes en blanc. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je suis le grand chancelier de l'analyse. Qu'on se le dise.